Marie-Albal de Surmain, maître de conférence en histoire contemporaine, va donc nous parler du scénario alternatif pro-association à l'UPEC. Voilà, l'UPEC, c'est-à-dire l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, je remercie donc les organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité pour représenter la position donc collective adoptée à l'Université Paris-Est-Créteil, ex-Paris 12, et qui donc propose une alternative centrée sur le choix de l'association, une alternative à l'hypothèse privilégiée par la présidence, qui est donc à la fois une fusion et une commu, c'est-à-dire une fusion dans la commu. Et on verra tout à l'heure qu'il y a dans cette commu également des associés. Donc un scénario un peu complexe. Je voudrais ce matin simplement, je ne serai pas très longue, mais expliquer la démarche qui a été la nôtre, hein, de quel point nous sommes partis pour justement proposer autre chose que ce scénario, sachant que nous ne sommes pas des juristes. Hein. Nous ne sommes pas des juristes, donc nous avons une discussion longue, collective, nous avons cherché des informations pour voir un petit peu si on pouvait bâtir un scénario tenable, comment nous sommes opposés à ce scénario de la présidence et ce que nous proposons, c'est-à-dire en fait une double association. Alors, dans un premier temps sur notre démarche, nous ne sommes pas partis donc à l'UPEC, nous ne sommes pas partis cet hiver d'une analyse précise des dispositions juridiques, mais nous sommes partis en fait de ce qui nous semblait être une analyse pertinente de la situation de l'UPEC dans le contexte francilien. Et à partir de notre analyse de la situation de l'UPEC et de ce qui pourrait être un projet pour cette université, nous avons essayé de confronter ce projet avec le scénario retenu par la présidence et les autres scénarios qui sont contenus dans la loi. Alors, notre démarche a également été autonome. Elle a été autonome dans le sens où nous avons pris du temps. Nous avons pris du temps pour nous demander ce qu'était l'UPEC, ce que pourrait être son avenir. Et nous avons pris du temps pour confronter cela au texte de la loi. On ne peut pas dire que nous sommes, pour ainsi dire, manipulés ou instrumentalisés par des courants divers. Nous avons pris du temps, justement, pour avoir une analyse qui soit propre et tout à fait représentative donc d'une liste d'opposition à la présidence à l'UPEC, une liste avec des élus donc dans les conseils centraux. Ce qui nous a semblé important, c'est pour l'UPEC évidemment d'approfondir et de développer des collaborations avec ses partenaires, développer les collaborations dans lesquelles elle est déjà engagée, collaboration bien évidemment avec Marne-la-Vallée, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l'UPEM, développer ces collaborations également avec d'autres écoles, d'autres organismes, des collaborations à l'échelle régionale, nationale, mais aussi internationale, tout en maintenant la spécificité de l'université dans ce réseau de collaboration, c'est-à-dire une liaison étroite entre enseignement et recherche dès la licence, aussi bien en licence qu'en master. Et il nous semble extrêmement important de montrer que c'est par cette symbiose entre formation et recherche que l'université peut ouvrir aux étudiants des perspectives dans un environnement socio-économique difficile. Il faut bien le reconnaître. Nous souhaitons aussi que les étudiants, quel que soit le territoire dans lequel ils effectuent leurs études, quel que soit le territoire dans lequel ils commencent leurs études universitaires, puissent avoir accès également à des formations universitaires du meilleur niveau, de la licence au doctorat, et donc puissent bénéficier aussi d'un encadrement qui puisse favoriser leur réussite. Tout cela pour éviter donc toute perspective de décrochage entre différents types d'universités ou de regroupements. Nous estimons enfin que l'UPEC a un rôle essentiel à jouer à l'interface entre Paris, les universités de Paris-Centre, ces grandes universités où la recherche est extrêmement importante, entre Paris-Centre et la petite couronne et la grande couronne francilienne. Pour nous, la démocratisation de l'enseignement supérieur est fondée sur la possibilité pour les étudiants de toutes origines sociales, culturelles ou géographiques d'accéder en fonction de leurs résultats à toutes les formations qu'ils souhaitent, en fonction de leurs résultats bien sûr, jusqu'au doctorat. Et cela suppose donc une mise en réseau des établissements et non pas la construction d'entités qui s'affronteraient entre elles et qui rendraient plus difficile cette circulation. Il nous semble que partir dans la construction de blocs qui opposeraient Paris-Centre et puis la banlieue serait porteur d'un décrochage donc entre des universités de périphérie ou des regroupements de périphérie et puis les regroupements de Paris-Centre. Et puis nous sommes aussi extrêmement attachés donc à un service public et une fonction publique d'enseignement supérieur et de recherche qui se développe donc dans un cadre collaboratif et non pas concurrentiel. Voilà les points qui ont été notre référence pour notre point de départ pour analyser les choix qui sont donc proposés. Alors, dans ce cadre, il est apparu cet hiver que le choix de regroupement promu par la présidence ne correspond pas du tout à ce que nous souhaitons pour notre université. En effet, cet hiver, à la mi-février, les conseils d'administration de l'UPEC et de l'UPEM se sont vus proposer au vote donc, de donner mandat au président des universités pour travailler sur l'hypothèse stratégique de la fusion de l'UPEC et de l'UPEM dans une commu Paris-Est qui sera le coordinateur territorial. Alors, il n'y aurait pas d'examen d'une autre hypothèse de regroupement. Et tout devrait être bouclé, comme pour toutes les universités, dès le mois de juin. Ce qui a donc suscité un peu notre indignation, et nous avons plaidé, sans être entendus, pour que différents scénarios soient envisagés et qu'en juin, nous puissions les comparer pour avoir un choix éclairé. Alors, si l'on présente brièvement la spécificité de cette commu Paris-Est, qui n'est pas le presse Paris-Est, elle est bien différente, c'est une commu qui paraît à la fois singulière par sa composition et puis en même temps très significative par sa fonction. Alors sa composition, le périmètre Paris-Est, est un regroupement très hétérogène. Il y a 20 établissements et organismes, dont seulement deux universités, seulement deux. Les deux universités étant l'UPEC et l'UPEM. Il y a par ailleurs 6 écoles publiques qui ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du secrétariat maintenant, une école consulaire, une école privée, et 9 organismes qui vont du CNRS, de l'INSERM à l'Institut technologique, forêt, cellulose, bois, construction et ameublement, et puis également un pôle de compétitivité. Donc dans une structure extrêmement diverse, extrêmement variée, et dans laquelle l'UPEC et l'UPEM, les deux universités, sont minoritaires. Alors la version V0 des statuts qui nous a été proposée fait apparaître une structure un peu complexe, dans lequel il y aurait une sorte de noyau dur de centre de cette commu, une commu à 7 membres, fondateurs et membres de cette commu. Et puis, les autres membres de l'ancien presse seraient associés à cette commu. Mais même dans ce cas de figure, avec ces 7 membres fondateurs, l'UPEC et l'UPEM restent minoritaires. Elles restent minoritaires dans cet ensemble et, comme pour toutes les communes, se pose la question du transfert des compétences à cette commu. Donc, cette commu apparaît clairement comme un outil de restructuration de l'ESR, de l'enseignement supérieur de la recherche, qui, dans ce cas de figure, fonctionne plutôt au bénéfice du rapprochement entre université et école, avec un risque, en fait, de dilution du lien entre formation et recherche. Par ailleurs, ce projet de commu est assorti d'un projet de fusion. Projet de fusion dans la commu, ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus deux universités dans cette commu, donc deux représentants d'université au conseil des membres de la commu, mais plus qu'un. Donc il n'y aurait plus qu'une seule voix représentant l'université dans un conseil de 6 membres. Ce qui est une façon un peu curieuse quand même d'envisager de porter ainsi fortement la voix des universités. La présidence justifie cela en disant que parler d'une voix, c'est mieux que de parler de deux voix parce que ça évite la contradiction. Effectivement, mais en termes d'arithmétique démocratique, c'est un peu étonnant. Alors, ce choix quand même d'une hypothèse stratégique unique, d'une fusion dans la commu, appelle un commentaire au passage. Il y a évidemment des pressions ministérielles qui vont en ce sens, mais elles n'expliquent pas tout. Il est clair que la présentation de cette hypothèse unique en février n'était pas le début de la négociation avec les partenaires de l'ancien périmètre du presse. Il est évident qu'elle a démarré plusieurs mois auparavant et que nous avons eu présentation donc, de cette hypothèse à un moment très avancé du processus de négociation, processus qui s'est déroulé en fait sans que les communautés y soient véritablement associées. Et comme nous avons pu le comprendre à l'issue d'un rendez-vous avec la présidence, l'équipe présidentielle a, selon toute vraisemblance, utilisé le scénario de l'association comme une menace pendant la négociation, une menace vis-à-vis de ses partenaires, une sorte de repoussoir pour obtenir des assurances toutes relatives auprès des autres établissements dans le cadre d'une commu. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation du scénario de l'association comme quelque chose finalement qui serait négatif, qui serait une sorte de retour en arrière pour faire avancer d'autres points dans le cadre des statuts de la commu. Vous voyez bien que cet usage stratégique de l'association biaise d'emblée la négociation et rend actuellement plus difficile la possibilité de rouvrir le débat et d'envisager maintenant une association. Autre élément de notre opposition à ce projet de commu et de fusion, alors je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été évoqué, hein, les problèmes posés par les communes, où nous rencontrons les mêmes problèmes bien évidemment, les difficultés engendrées par une fusion, hein, tout ce qui est effectivement mutualisation, restructuration. Nos collègues BIATS sont particulièrement extrêmement mobilisés sur cette question des redéploiement des fonctions, redéfinition des tâches et des missions, sur la question de la circulation des personnels. On a déjà quelques exemples dans le cadre passé du PRESS. Voilà, on pourra revenir si vous voulez au moment des questions. Enfin, je crois que tout le monde voit un petit peu les difficultés posées par une fusion qui, en plus, sur le plan financier, n'est absolument pas une économie dans un premier temps et qui pose en plus le problème d'une fusion entre un établissement qui a des comptes équilibrés pour l'instant et puis un établissement qui, ce n'est pas de son fait, hein, sous dotation structurelle, un établissement qui est en déficit financier, déficit budgétaire important. Alors, un élément que je voudrais néanmoins souligner encore pour expliquer que nous ne soyons pas d'accord avec cette hypothèse, c'est la prise en compte du contexte francilien. La logique de la présidence, telle qu'elle l'expose, c'est qu'il est important de grossir pour exister, parler d'une seule voix et se faire entendre aussi bien dans la commune que la commune dans le contexte francilien. Alors la fusion permettrait effectivement de passer de 31 000 étudiants environ à l'UPEC et puis 11 000-12 000 étudiants à l'UPEN, passer un ensemble, disons, bon, de 42 000 pour arrondir. Effectivement, on passerait à 42 000 étudiants, mais ça reste comparé aux regroupements qui sont en train de se produire dans Paris-Centre, ça reste finalement encore modeste. Est-ce qu'on y gagne en termes de fonctionnement de démocratie universitaire ? Non, puisqu'il y aura évidemment un éloignement des instances délibératives des personnels, des étudiants et donc personnel enseignant, BIATS et des étudiants. Donc on ne voit pas vraiment l'intérêt de cette fusion qui, en plus, si on est dans cette logique d'être gros pour exister, fait que nous serons en fait moyens. Par ailleurs, il a été dit en conseil d'administration que finalement cet ensemble Paris-Est serait finalement une sorte d'université intermédiaire. Université intermédiaire entre les universités de recherche qui seraient localisées à Paris-Centre ou centrées sur le Grand Paris, et puis des pôle de proximité. On serait en situation d'université intermédiaire. Ce qui signifie en fait qu'il y a déjà intériorisation d'une hiérarchisation entre des pôles majeurs de recherche et les autres. Et là, cela signifie qu'on irait vraiment vers un risque de décrochage de l'université Paris-Est par rapport à d'autres ensembles universitaires. Ce qui évidemment scandalise des collègues enseignants-chercheurs de Créteil qui, eux, ont eu vraiment à cœur de tenir les deux bouts de la corde, c'est-à-dire que l'UPEC a effectivement une spécificité. C'est une université qui est professionnalisante, mais elle n'est pas que cela. Des collègues ont des activités de recherche extrêmement intenses. Il y a des collaborations importantes entre l'UPEC et de multiples partenaires, établissements, laboratoires, organismes. Et donc là, au contraire, il faudrait soutenir et affirmer très fortement cette dimension de la recherche à Créteil pour qu'elle puisse jouer son rôle d'interface entre Paris et la banlieue. Ce qui comporte également quelques enjeux à caractère sociaux. Si l'on part sur ces constructions de communes et de blocs affrontés, il est clair qu'il y aura des gagnants et des perdants. Pas certain que le bloc ou l'ensemble Paris-Est soit du côté des gagnants si on part dans ce genre de rivalité. Alors, nous souhaitons proposer un autre scénario. Autre scénario que nous avons donc élaboré collectivement et qui est fondé donc sur la question de l'association. Alors, sur le choix de l'association. Avant de détailler ce que nous proposons, je voudrais signaler qu'il est extrêmement difficile de développer ce scénario. Comme ailleurs, il a déjà fallu faire admettre qu'il pouvait y avoir une possibilité de choix entre fusion commune et association. Ça, c'est assez banal. La discussion ensuite est extrêmement difficile parce que lors des réunions, des AG, etc., où la présidence vient de temps à autre, eh bien, il est extrêmement difficile de poser clairement et correctement les termes du débat. Les inexactitudes sont multiples, les flous persistants, voire entretenus, ce qui fait qu'on perd énormément de temps à rectifier, à dire non, ce n'est pas dans la loi, non, l'association n'est pas fondée sur un chef de file qui va vassaliser donc les autres membres associés. Et ça nous empêche en fait d'aller plus loin dans la discussion, puisqu'on est en train simplement de démonter un certain nombre d'affirmations qui sont erronées. D'autres termes sont employés de façon extrêmement floue et vague, comme la notion de contrat de site. Contrat de site qui est employé avec des significations différentes selon les contextes. Cette notion, on a fait une petite recherche, que nous ne sommes pas juristes, nous avons cherché contrat de site dans le code de l'éducation, il n'y a pas d'occurrence du terme contrat de site, il y a effectivement des sites universitaires, politiques de site, etc. Donc ça nous complique un petit peu la vie, et cette notion de contrat de site a même été opposée, utilisée comme argument, opposée à la possibilité qu'auraient deux universités de s'associer. On nous a dit non, c'est pas possible, et quand on donnait l'exemple de Strasbourg et de Mulhouse, deux universités associées, elles ont dit non, c'est pas possible, c'est un cas exceptionnel parce que ces deux universités ont en fait déjà signé un contrat de site dès le mois de mai-juin l'année dernière, dès le mois de juin, avant même que la loi soit votée. Bon, l'opposition est assez fragile, enfin la contestation est assez fragile, puisqu'on ne voit pas très bien comment le fait que Strasbourg et Mulhouse aient signé un contrat, effectivement, dont le titre est contrat de site, interdirait à d'autres universités de s'associer. Bref, la discussion avec la présidence est assez difficile. Nous avons néanmoins, dans une contribution et lors d'une rencontre, exposé ce que nous souhaitions. Alors, plutôt qu'une fusion entre les deux universités de l'Est parisien, l'UPEC et l'UPEM, nous proposons en fait une association entre les deux universités. L'association, qui est une forme de prudence, tout simplement parce que la fusion, si jamais elle doit avoir lieu, la fusion paraît actuellement tout à fait prématurée. Les oppositions sont manifestes aussi bien à l'UPEC qu'à l'UPEM. Il y a eu un certain nombre d'AG, de motions qui ont été votées et qui montrent que les personnels ne sont pas du tout d'ardents défenseurs de cette fusion. Les incertitudes sont multiples, d'autant plus que cette fusion serait en fait conduirait à la création d'un nouvel établissement. Et c'est là que nous nous sommes penchés de façon un petit peu plus précise sur les termes du Code de l'éducation. Et il apparaît que la création d'un nouvel établissement par fusion rend possible des statuts dérogatoires pour 5 ans. C'est le fameux article 711-4 qui a été évoqué ce matin. Ce n'est pas un article nouveau, mais qui s'appliquerait donc au nouvel établissement issu d'une fusion. Alors, cet article prévoit donc des possibilités de dérogation pour tout ce qui concerne donc la gouvernance des universités, président, conseil d'administration, conseil académique, etc. Tout ce qui concerne également les conseils d'université, les directeurs d'école, d'institut, d'une unité ou d'un service commun, les composantes des universités, j'attire votre attention sur ce point, les services communs, les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, et puis quelques dispositions communes aussi relatives à la composition des conseils. Bref, tout un ensemble qui permet d'expérimenter donc, dans ces nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ce qui est prévu habituellement pour les universités. Donc cette fusion serait bien l'occasion d'une restructuration. Mais ce n'est jamais dit clairement, toujours dit à mi-mot, quelques lignes dans un préambule de la version V0 des statuts de la commu qui évoquerait donc cette fusion. La communication est d'ailleurs différente entre Marne-la-Vallée et Créteil. Marne-la-Vallée diffuse aux membres de son CT un schéma des étapes de la fusion, une sorte de rétro-planning, mais qui est en fait, quand on le regarde, qui est extrêmement formel. À l'UPEC, nous n'avons pas eu de documents identiques et le propos reste encore plus général. Alors, vous imaginez bien que ce ne sont pas des éléments qui favorisent l'adhésion des personnels à ce projet, d'autant qu'il y a eu certaines palinodies dans ce projet de fusion. Les deux présidents, d'ailleurs, n'évoquent même pas le même calendrier pour la fusion. 2016 à Créteil, 2018 pour Marne-la-Vallée. À l'évidence, c'est Créteil qui a poussé à la fusion et Marne-la-Vallée était beaucoup plus réticente et aurait préféré une simple commu. De plus, cette fusion pose un problème dans le cas de la commu parce qu'elle pose le problème de la visibilité de cette nouvelle université. Là, je dois revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières années. Paris 12 et Marne-la-Vallée ont déjà changé de nom. Leur nom d'usage est devenu pour l'une Université Paris-Est-Créteil, UPEC, et pour l'autre Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Ce qui crée, de facto, une confusion entre les deux universités auprès des partenaires. Les partenaires ne savent jamais si c'est l'UPEC ou l'UPEM qui est venu les voir la semaine dernière, et on voit bien la visée, effectivement, qui est de réunir les deux. Pourquoi pas réunir les deux, d'ailleurs, hein, on peut en discuter, mais selon quelle modalité et quel calendrier. Alors, il serait logique, s'il y a fusion des deux universités, que ce soit elle qui s'appelle Université Paris-Est, UPE. Eh bien, non. S'il y a fusion des deux universités, il faudra qu'elle trouve un nouveau nom, parce que l'appellation Université Paris-Est est réservée à la commu. Donc, on arrive dans une situation qui est pas très sérieuse, qui ne fait pas très sérieux quand même, et qui montre donc un problème de visibilité même de ce nouvel établissement. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous proposons plutôt de rester sur une association entre l'UPEC et l'UPEM, ce qui permettra à chacune de conserver donc sa personnalité morale, son autonomie financière, tout en développant les collaborations, les coopérations, et si à terme une fusion doit se produire, eh bien de la construire posément, et surtout d'expliquer quel est le projet de cette fusion, vers quoi nous allons, ce qui est important, ce qu'il faut préserver, et de faire les choses posément en associant les communautés universitaires. Alors, quant à la commu, plutôt que de valider l'hypothèse de cette commu, Paris-Est, la proposition que nous portons est de ne pas entrer dans cette nouvelle commu en ne votant pas ses statuts, mais plutôt de s'associer à cette commu appelée Paris-Est. L'intérêt est de placer l'UPEC à égalité avec les instances de la commu, puisque commu il y aura sans aucun doute. C'est là où notre proposition est un peu intermédiaire par rapport à d'autres projets. Certaines écoles, certains établissements sont visiblement intéressés par ce regroupement sous forme de commu. Bon, très bien, c'est leur responsabilité et nous ne souhaitons absolument pas imposer notre choix à tous. L'intérêt cependant pour nous est donc que l'UPEC conserve sa personnalité morale, son autonomie financière, sans pour autant rompre ses collaborations avec d'autres partenaires universitaires dans le cas de l'UPEM ou avec des écoles diverses dans le cas de la commu, puisqu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de collaboration, en association, aussi bien que dans le cas d'une commu. Tout dépend de la convention d'association. Alors, l'énonciation de ce scénario a déclenché une réaction très émotionnelle de la part de l'équipe présidentielle. On a eu un rendez-vous qui a duré 2 heures. On a d'abord parlé de fusion, puis quand on est enfin arrivé à la commu, il était un peu tard. Et là, il a été extrêmement difficile, en fait, de développer les points qui constituent donc notre scénario. Alors, la première objection de la présidente, c'est de dire oh « Oui, mais alors si on s'associe, ça signifie qu'on ne peut même pas être dans la commu. » Oui, c'est là l'objectif. C'est là l'objectif, mais c'est même pas audible. Ça n'est pas audible pour l'instant. Alors, l'opposition, c'est toujours au nom du contrat de site. Mais le contrat de site, c'est la commu. Et puis, être en association, ce serait un retour en arrière et donc freiner toutes les coopérations développées, voire les interrompre. Alors, en fait, ce n'est pas tenable comme objection. Il faut reprendre les différents éléments pour comprendre que s'associer à une commu, ce n'est pas se mettre dans une position marginale, c'est simplement exercer son pouvoir de décision, son pouvoir de délibération. Alors, plutôt que parler de contrat de site, on va laisser ça de côté parce que ça prend des sens différents selon les contextes, on va parler du volet commun du contrat pluriannuel qui est signé avec l'autorité de tutelle. Le MESR ou le secrétaire d'État. Ce volet commun est bien défini en cas d'association d'un commun accord entre les établissements partis à l'association. Ce n'est évidemment pas la commu qui va le décider tout seul. Ce volet commun doit bien être adopté par les établissements associés et il suffit d'inscrire dans la convention d'association que son adoption par l'UPEC se fait par une délibération majoritaire favorable de son CA. D'ailleurs, le contrat pluriannuel avec le MESR est une obligation pour les établissements dont la tutelle est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En l'occurrence, dans le cas de Paris-Est, ça ne concerne que l'UPEC, l'UPEM et la commu. Les autres établissements de l'ancien PRESS relèvent d'autres tutelles, comme par exemple le ministère de l'Agriculture. Donc, de ce point de vue, la situation dans Paris-Est, elle paraît plus simple que dans le cas, par exemple, de Sorbonne-Paris-Cité. Parce qu'en gros, on est trois à devoir vraiment contractualiser avec le ministère. Et les autres, s'ils sont partis au contrat, c'est du bonus. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Alors, concernant la coordination, on pourrait penser à une coordination tournante. Alors, nous ne sommes pas juristes, mais apparemment, rien ne semble interdire dans la loi et on serait ravis d'avoir des éclairages sur ce point-là, sur ce point précis. Et il suffirait d'inscrire dans les dispositions de la convention d'association les modalités de cette alternance. Est-ce que c'est tous les 5 ans? Est-ce que c'est tous les 2 ans? Voilà, avec un nombre de coordinateurs extrêmement limité, puisque nous sommes 3, en fait, à devoir contractualiser avec le ministère. Au cas même où il n'y ait qu'un seul établissement coordinateur et que la coordination soit à ce moment-là assurée par la commu, est-ce que l'UPEC serait pour autant lésé ou marginalisé? C'est pas évident du tout. La convention d'association permet en effet de cadrer le rôle du coordinateur. Elle ne prévoit pas dans une association de transfert de compétences, mais elle donne simplement mandat de négocier un volet de commun de contrat pluriannuel qui est validé par chaque CA. On le répète encore une fois. Donc là, effectivement, l'UPEC ne serait pas marginalisé et c'est même une situation plus sûre et certaine que dans le cas d'une commu où là, il y a effectivement transfert aux instances de la commu pour négocier ce volet commun du contrat pluriannuel. Alors parfois on dit oui, mais le contrat de site ou le volet commun, mais c'est pas très important, c'est pas une part importante de la négociation. Le sens de la loi, c'est les regroupements et la coordination. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas important. Là, il y a effectivement quelque chose qui est un peu contradictoire. Alors, faudrait-il une structure légère de coordination? Ce qui est essentiel de distinguer, enfin, dans une association, c'est de bien distinguer la question du partage des compétences de celle du transfert. On peut imaginer que, pour justement qu'il n'y ait pas transfert de compétences, mais partage, on peut imaginer qu'il y ait des membres du CA de la commu qui soient invités au CA de l'UPEC, et inversement, et puis les CA restant bien les seuls lieux de délibération. Et on peut imaginer un groupe, un comité, qui serait un lieu de travail, d'échange, une forme un peu resserrée de travail, mais qui ne serait pas décisionnaire, et qui pourrait donc faire des propositions aux CA des différents établissements associés. Autre question fortement sensible, celle des contrats doctoraux. Il se trouve que dans le presse Paris-Est, les contrats doctoraux ont déjà été transférés aux presses. Alors, on dit, oui, mais alors en cas d'association, qu'est-ce que vous faites du doctorat? L'université perd les doctorats qui restent à la commu? Ben non, il existe justement un volet commun. Pourquoi ne pas mettre les contrats doctoraux dans ce volet commun? Ce qui fait que ces contrats doctoraux seraient finalement gérés, administrés à la fois par la commu, pour ceux qui voudraient y être, mais aussi par le CA de l'UPEC, qui ne perd absolument pas ses prérogatives sur la gestion de ses contrats doctoraux, qui d'ailleurs même retrouve une forme plus présente de délibération. L'autre avantage à mettre ces contrats doctoraux dans le volet commun du contrat pluriannuel, c'est de garder l'appellation Paris-Est. Actuellement, les contrats doctoraux sont déjà des contrats Paris-Est, et les écoles doctorales sont des écoles Paris-Est. Si on passe sur une fusion UPEC-UPEM qui prend un nouveau nom, alors à ce moment-là, les contrats des étudiants qui viendraient des masters de l'UPEC et de l'UPEM fusionnés avec un nouveau nom, qui passeraient en doctorat, ben, finalement il n'y aurait pas de continuité évidente puisque ces doctorats seraient délivrés sous un nouveau nom. Or là, ça permet en fait de récupérer, de garder du moins, ce terme d'université Paris-Est. Et donc en termes de visibilité, de cohérence, c'est tout à fait essentiel. Alors, il y aurait d'autres questions, d'autres points qui pourraient être abordés et nous souhaiterions pouvoir les discuter plus précisément. Mais pour l'instant, quand on évoque l'hypothèse d'association, c'est, comme je vous le disais, des réactions extrêmement émotionnelles. À plus long terme, ce qui nous semble important en promouvant l'association, c'est d'éviter qu'une politique dite de site, c'est-à-dire une politique territoriale, devienne un levier de réorganisation d'un enseignement supérieur et de la recherche régionalisé et à deux vitesses, avec des universités de recherche à Paris-Centre et des universités intermédiaires en banlieue. Ce qui nous paraît essentiel, c'est évidemment le maintien d'une égalité territoriale. Si on sortait de cette égalité territoriale, ce sont les étudiants qui en feraient les premiers les frais. Et dans ce sens-là, la structure associative nous semble plus à même de développer cette organisation en réseau, donc d'éviter de construire des citadelles qui tôt ou tard vont s'affronter malgré les pactes de non-agression tout à fait significatifs. Par ailleurs, est-ce que l'UPEC a une marge de manœuvre dans cette négociation? Et on imagine que les pressions ministérielles sont fortes. L'UPEC, ce n'est pas rien dans l'Est parisien. C'est quand même la plus grande université, c'est 31 000 étudiants, c'est des dotations importantes. Donc, il ne s'agit pas pour elle de partir, de faire cavalier seul, mais il s'agit pour elle de dire quelles seraient les conditions de sa participation à des regroupements. Est-ce qu'on peut imaginer que l'UPEC reste sur le côté, reste sur le bas-côté, toute seule, sans aucun regroupement? Ça paraît peu crédible dans le sens où dans la mesure où le sens de la loi, c'est justement de forcer au regroupement. Alors, est-ce que dans l'Est parisien, on laisserait Créteil, l'Université Paris-Est Créteil, toute seule, alors que c'est la plus grosse université? Ça paraît peu crédible et ça devrait redonner quand même certaines marges de manœuvre dans la discussion. Je vous remercie.